Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose une collection d'émissions sur l'histoire ouvrière. Nous y croisons des trajectoires de lutte, celle de la Commune de Paris et celle du Front Populaire, à l'ombre de l'Internationale Ouvrière. Ce sont des grèves aussi, quand il s'agit de débrayer pour mieux travailler. Une histoire sociale avec des femmes au foyer pour un travail invisible et des ouvriers immigrés aux origines d'un combat politique. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Front populaire. Parfois, quelques mots suffisent pour évoquer une ambiance, une atmosphère. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? S'écrie Arletty dans le film Hôtel du Nord en 1938. Deux ans plus tôt, en 1936, le Front populaire s'était installé au pouvoir. Oh, pour quelques années, pas plus, quelques années. Mais quelle atmosphère ! Charles Trenet constate. Hein, alors que bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et Jean Gabin, lui, se promène au bord de l'eau comme tout est beau, quel renouveau. Quant à Reventura, il se demande qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Alors n'attendons pas, direction le Front populaire, quand les forces de gauche décident de faire front. Daniel Tartakovsky, bonjour. Bonjour. La notion d'union de la gauche ou des gauches est une notion ancienne qui prend d'ailleurs plein de noms. Nous parlons de front populaire. Il y a ce mot qui apparaît aussi de cartel des gauches. Mais toute cette histoire des années 1930 commence dans la décennie précédente, les années 1920, par une désunion en fait. Celle du congrès de Tours en 1920. C'est la séparation qui est l'amorce de tout. Après, il faut chercher l'union. Oui, enfin, c'est. Il faut bien avoir en tête que dans les années 20, le problème principal n'est pas la relation entre le Parti communiste et le Parti socialiste du point de vue électoral, mais les liens qu'il convient ou non d'avoir avec le Parti radical qui est au centre de l'échiquier politique. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que les mots changent de sens, d'une part, gauche change de sens, mais la manière de nommer ces rapprochements de diverses natures prend également des tours différents. Ce dont il faut se souvenir aujourd'hui, c'est qu'à l'époque dont nous parlons aujourd'hui, des années 20, les années 30, bref, la Troisième République, il n'existe pas de parti majoritaire. Donc, tous les gouvernements sont nécessairement des gouvernements d'alliance, en sachant que le Parti radical occupe le cœur du dispositif, mais qu'il n'est jamais majoritaire à lui seul, d'autant qu'il est décomposé en toute une série de courants, de partis, de mouvements, et qu'il lui faut donc s'allier. Alors cartel, ça ne veut pas dire union. Cartel, qu'il s'agisse de 1924, cartel des gauches, ou de ce qu'on appelait le néo-cartel en 1932, je dirais que c'est une alliance électorale sans programme. Roger Salengro, en 1924, disait, c'est tout un programme, si j'ose dire, nous le subissons comme le salariat, le choléra ou la peste. Bah oui, c'est clair au moins. Ça mérite d'être clair. Un autre dirigeant radical parlait également du cartel d'une minute, tant qu'il faut mettre un bulletin de vote dans l'urne. Donc on est bien dans une logique strictement électorale en vue de la majorité parlementaire. Justement, Daniel Tartakovsky, dans cette alliance électorale, nous n'avons pas non plus un phénomène national. Alors, 1924, oui, bien qu'il n'y ait pas de programme. 1932, absolument pas. Il y a une indication qui est donnée aux militants radicaux pour créer des alliances ou pas sur le plan local. Et en tout état de cause, la notion de parti radical n'a pas absolument la même signification selon qu'on est dans le Midi Rouge ou qu'on est dans les régions blanches. Donc, oui, je vous suivrai volontiers. Non, mais on sent bien hein, que nous avons un panorama. Vous nous avez présenté ces trois acteurs principaux de la gauche, les socialistes, la SFIO, le parti radical et le parti communiste. En 1924, un cartel, cartel des gauches, affiche électorale. Citoyens, vous êtes appelés à élire le 11 mai prochain vos 6 représentants à la Chambre des députés. Nous venons solliciter vos libres suffrages. Radicaux et socialistes, nous nous présentons à vous, groupés dans le cartel des gauches. Sans rien abdiquer les uns ni les autres des principes propres de nos partis respectifs, nous nous sommes unis pour opposer victorieusement la coalition républicaine à la coalition réactionnaire, pour utiliser au bénéfice des forces de la démocratie une loi électorale injuste, obscure, que la réaction comptait faire jouer une fois de plus à son avantage. Nous nous sommes unis, radicaux et socialistes, en toute indépendance, comme en toute loyauté, pour assurer le 11 mai, par un effet commun, la défaite du Bloc national, la victoire de la République laïque, démocratique et sociale. Une affiche électorale pour les législatives, le 11 mai 1924, celle du cartel des gauches, une affiche du cartel des gauches. Mais Daniel Tartakovsky, dans cette lecture par Marc-Henri Boisse, il y a vraiment une vision qui est présentée d'une opposition entre deux mondes, un monde réactionnaire et un monde progressiste. Est-ce cela aussi le moteur d'une possible union de la gauche ? Alors je dirais que ça ne l'est pas tout à fait, ça ne l'est pas totalement. D'ailleurs on l'entend dans ces termes qui sont malgré tout des termes qui mettent l'accent sur le chacun chez soi, même si et le terme de coalition qui nous réinscrit bien. Oui, là, on sent bien qu'on est toujours dans un clivage hérité de la Révolution. Elle est bien lointaine, mais relayée par le Dreyfusisme, par la crise dreyfusarde. Herriot, qui va être le président du Conseil au sortir de ces élections, était défini par l'historien Thibaudet. Il disait qu'il était l'expression même de, je cite, « la génération dreyfusienne, combiste et jaurétienne ». C'est bien ça qui s'exprime dans ce texte 24. Alors, je voudrais ajouter deux mots. Le premier, c'est que, et ça n'est évidemment pas dans l'affiche, les socialistes et radicaux coalisés, je reprends leurs termes en toute liberté, ont obtenu, et c'est nouveau, c'est inédit dans la vie politique française, le soutien de la Confédération Générale du Travail et du cartel des fonctionnaires, dès lors que les fonctionnaires n'ont alors pas accès au droit syndical et que la question de l'accès au droit syndical est un des éléments de la campagne. Et puis tout à l'heure, vous évoquiez la gauche en citant ce qui pour nous est la gauche, c'est-à-dire les trois composantes que nous allons retrouver avec le Front populaire. Mais en 1924, comme du reste en 1932, bon, il n'est évidemment pas question pour les deux acteurs que nous évoquons d'intégrer le Parti communiste, mais il n'est pas question du tout pour le Parti communiste d'intégrer quelque alliance ou quelque coalition que ce soit. Pourquoi ? Parce que le Parti communiste des années 20 ne se définit pas comme de gauche. C'est un terme qui appartient au vocabulaire parlementaire, qui n'est pas le sien. Il a une définition de classe. En 1924, ces listes, qui auront relativement peu de succès, 26 élus, se dénomment Bloc ouvrier et paysan. Donc une dénomination en termes socioprofessionnels, c'est-à-dire de classe. En 1932, on est dans la stratégie dite classe contre classe. C'est encore plus clair du point de vue qui nous intéresse ici. Donc, je crois que nous sommes bien, oui, dans une définition de la gauche pré-1914, d'une certaine manière. Et je reprends les termes de Thibaudet, hein, dreyfusienne, combiste et jaurétienne, dans un monde qui a changé. C'est ça qui est formidable aussi, c'est de mettre en place, c'est grâce à vous, Daniel Tartakovsky, l'historienne, ce contexte de l'évolution. Parce que parler du Parti communiste en 1924, ce n'est pas tout à fait parler du Parti communiste de 1932 et encore moins celui de 1936. Comment expliquer qu'il y ait une évolution dans la volonté ou non du Parti communiste de se rapprocher des socialistes et des radicaux ? Il est évident qu'il faut prendre en compte des facteurs qui sont extérieurs à l'ensemble de ces acteurs définis par le champ politique. La crise économique mondiale de 1929, qui, nous le savons, touche la France, ou en tout cas est ressentie en France à partir de 1931, qui va provoquer Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que compte tenu du régime parlementaire d'alors, il est extrêmement aisé de faire tomber des gouvernements en cours de mandature. Donc, les radicaux soutenus par les socialistes, sans participation, ça aussi il faut s'en souvenir, en 1924... Comment encore en 1932, malgré des nuances, les socialistes restent fidèles à la charte d'Amsterdam, qui interdit au parti socialiste de 1904 à Amsterdam de participer à un gouvernement bourgeois. Donc les socialistes soutiennent sans participation. C'est ce qui va arriver aux communistes quelques 10 ans ou 12 ans plus tard. Donc, crise économique qui amène, les radicaux sont de toutes les coalitions, donc ils étaient passés de la gauche vers la droite, ils reviennent vers la gauche, ainsi définie, en vue des élections de 1932. De nouveau, c'est donc le néo-cartel qui est élu, dirigé par des radicaux sans participation socialiste, même si certains frappaient un petit peu à la porte, mais ils ne sont pas majoritaires. Et puis, dans ce contexte où la gauche combiste jaurassienne, etc., est revenu au pouvoir. Bref, les radicaux sont revenus au pouvoir. Une offensive qui est menée par les droites extra-parlementaires en France, sur la base de scandales politico-financiers, l'affaire Stavisky, je n'entre pas dans le détail, et puis surtout la situation internationale, la victoire de Hitler en 1933, bon, la montée du fascisme, des fascismes, il y a des accords sur les définitions, mais néanmoins le sentiment que l'ennemi frappe aux portes et que l'ennemi est à l'intérieur, que d'autres ennemis sont à l'intérieur. Des craintes, donc, des craintes qui se font ressentir dans le pays tout entier et qui vont se cristalliser après la journée du 6 février 34, dont les historiens nous disent aujourd'hui que ce n'était pas un coup d'État fasciste, si on entend par là ce qui s'est passé en Italie en 22 ou en Allemagne en 33, mais néanmoins, c'est une tentative de renversement d'un régime démocratique, enfin de remplacement, je dirais, d'un régime démocratiquement élu par des forces situées à la droite et à la droite extrême de l'échiquier. Et c'est au lendemain de cette journée du 6 février 34 qu'il va se produire un double phénomène dans une articulation. Réagir, et cette réaction, elle va s'opérer, c'est intéressant, elle s'opère d'abord de l'initiative de la CGT, CGT Jouot, hein, CGT réformiste, pour reprendre un vocabulaire de l'époque et ultérieure, qui appelle à une grève générale pour défendre le gouvernement. Mais le gouvernement démissionne. Alors on maintient la grève générale. N'oublions pas que le syndicalisme français, il est issu de la charte d'Amiens, donc on ne fait pas de politique. Or, là, on a une rupture forte dans l'histoire politique et syndicale française. Cette grève générale devient une grève pour la défense de la République. Et il y a des négociations avec la SFIO et la Ligue des droits de l'homme pour accompagner la grève de manifestation. Grève-manifestation, aujourd'hui, c'est un lieu commun pour nous, mais ça ne l'est pas en 1934. Simultanément, les communistes et la CGTU, je rappelle que la CGT est divisée en deux organisations depuis 1922, donc la CGTU est proche des communistes, pour aller très vite, hein, et la CGT est plutôt dans la mouvance socialiste, pour aller très vite. Donc l'ensemble de ces acteurs appelle à faire grève et à manifester, mais sur des bases qui diffèrent parce que la définition de la menace fasciste n'est pas la même. Pour les socialistes et la CGT, le fascisme se définit par sa violence et donc les menaces qu'il fait peser sur les institutions. Donc on est dans une définition qui met l'accent sur les institutions menacées. C'est intéressant de voir que dans le discours de Blum, où il appelle au 12, il appelle à combattre les royalistes, virgule les fascistes. Hein, on est dans une lecture qui est une lecture de l'avant. Pour les communistes et la CGTU, le fascisme, c'est la forme ultime que prend le capitalisme quand il n'est plus capable de dominer par les formes qui étaient ses formes traditionnelles. Donc c'est quand la bourgeoisie aux abois est contrainte, je reprends le vocabulaire d'alors, est contrainte de recourir à cette forme D'une certaine manière, le fascisme, c'est la porte ouverte au socialisme, puisqu'il va nécessairement conduire. Donc, je dirais d'un côté une seule solution, la révolution, et de l'autre une seule solution, la république. On n'est pas, c'est pas forcément contradictoire, mais c'est pas la même définition. Néanmoins, ils se retrouvent tous dans la rue, en province, dans la plupart des, de très nombreuses villes de province. Antoine Pro l'avait montré. Les manifestations se font sur des appels unitaires, signés par les organisations sur une base de défense de la République. À Paris, où on est plus près des états-majors et donc plus près des définitions stratégiques, c'est des textes séparés qui ne disent pas la même chose. Il n'en demeure pas moins que tout le monde se mobilise. Et c'est la plus importante, enfin c'est une première, qui à la différence du 6 février 34, l'extrême droite est dans la rue à Paris, se développe ici, 12 février 34, dans la France entière, c'est du jamais vu. Donc c'est des villes qui n'ont jamais connu de cortège, hormis les processions et les 1er mai pour certaines d'entre elles, quoi. Daniel Tartakovsky, vous êtes spécialiste justement de la manif. Hein. On est là, la manif en crise, c'est dernier ouvrage aux éditions du Détour. Et puis même dans toute cette réflexion sur le mouvement populaire, nous avons ici deux aspects à appréhender. Il y a ce que vous nous avez clairement expliqué, les partis SFIO, radicaux, communistes. Et puis après, il y a la base aussi, il y a les militants. Les militants communistes, eux, mais avec les dirigeants du parti aussi, chante. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisant table rase, pour l'esclave de votre mot. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons trop. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, la terre nationale. Au moment de chanter l'international, Daniel Tartakovsky, groupons-nous et demain. Mais vous nous avez bien dit que dans les années 1920 et encore au début des années 1930, lors des cartels, celui de 24, celui de 32, les communistes ne se groupent pas. Ou enfin, s'ils se regroupent, ils se regroupent tout seuls. D'ailleurs, au point que les élus communistes ne votent pas pour soutenir le gouvernement radical socialiste. L'idée même de se regrouper, en fait, pour vous, vient de ce que vous nous avez expliqué, du danger fasciste. Est-ce qu'il y a des points communs d'intérêt ou est-ce qu'il y a une crainte commune ? Ah, il y a indéniablement une crainte commune dans un premier temps. Crainte commune qui joue dans le pays, mais qui joue internationalement et qui explique qu'en juin 34 s'opère au sein de l'Internationale communiste, dont le Parti communiste est alors membre, une redéfinition stratégique d'ampleur, un renversement. Jusqu'alors, on considérait qu'il y avait une succession de stades et que, d'une certaine manière, la bourgeoisie était l'équivalent du fascisme. Les communistes, enfin, l'Internationale communiste considérait que bourgeoisie et fascisme étaient deux formes équivalentes en tant qu'elles étaient là l'une et l'autre, pour permettre au capitalisme de sortir de sa crise et de poursuivre sa voie. En juin 34, il y a un renversement qui s'opère depuis l'international et qui est adopté par le Parti communiste et qui consiste à mettre l'accent sur la différence, l'écart qu'il existe entre la bourgeoisie, entre la démocratie qu'il faut défendre dans la mesure où elle permet de combattre pour l'obtention d'un avenir meilleur et de mesures qui soient conformes aux intérêts du monde ouvrier, du monde paysan, et puis le fascisme qu'il faut combattre à tout prix. Et donc ça suppose évidemment des retournements d'alliance. Et c'est effectivement le Parti communiste qui, à partir de ce renversement d'analyse, va opérer les premiers pas en direction, dans un premier temps, du Parti socialiste. Et ça va donner, l'accord du 14 juillet 1934, accord qui est un accord défensif, et c'est la réponse à votre question. Dans un premier temps, on se réunit pour combattre le fascisme. C'est une union défensive contre le fascisme. Et entre juillet 34 et juillet 35, il va s'opérer un enrichissement, un renversement, appelons ça comme on veut, bref, une mutation qui fait qu'on va passer d'une alliance contre à la définition d'un projet pour, et qui est donc la culture de Front Populaire, à l'initiative de ce qui va devenir le gouvernement de Rassemblement Populaire. Et bien justement, nous partons défiler le 14 juillet 1935. Nous communistes, qui luttons sous les plis du drapeau rouge, nous sommes heureux de voir à nos côtés des combattants de la liberté qui arborent le drapeau tricolore, dont nos ancêtres firent l'emblème de la grande révolution française et qu'on vit souvent voisiner sur les barricades avec notre drapeau rouge. Nous voyons dans le drapeau tricolore le symbole des luttes du passé et dans notre drapeau rouge le symbole des luttes et des victoires futures. Nous, socialistes, nous serons présents pour pousser à fond la lutte qui nous rassemble en ce jour, pour barrer la route et briser la marche au fascisme d'abord, et puis pour aller plus loin, jusqu'aux sources profondes et aux causes certaines du mal. En avant, pour sauver la République politique, pour réaliser la République sociale, pour construire la paix du monde. Et c'est bien pourquoi, à cette heure, le Parti radical socialiste, profondément attaché à sa propre doctrine, se devait d'être présent à ce rassemblement avec tous ceux qui veulent défendre à la fois la nation et la liberté. Impressionnant défilé le 14 juillet 1935 à la porte de Vincennes, donc à Paris, où là on a entendu le communiste Jacques Duclos qui proclame cette union entre le drapeau tricolore et le drapeau rouge. Puis il y avait un socialiste et puis il y avait un radical. La Ligue des droits de l'homme aussi prend la parole. Daniel Tartakovsky, moment important, cette union qui alors est visible, c'est l'importance aussi de la manifestation. Alors oui, on a parlé de 500 000 manifestants, peut-être était-il 450 000, ou moins. Selon la police. En tout cas, c'est le plus important rassemblement qu'on ait jamais vu à Paris sur une place manifestante. Pour aller plus loin, oui, je reprends la formule du discours socialiste, journée importante, et je crois qu'elle marque notre histoire politique, peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à avant-hier en tout cas. Tout à l'heure, on définissait la gauche, avec Thibaudet, comme la génération dreyfusienne, combiste et joassienne. À partir de cette journée, et derrière les symboles des drapeaux et de l'international mêlés à la Marseillaise, je crois qu'on voit surgir une nouvelle définition de la gauche. La gauche va désormais se définir par la double relation, parfois indissociable mais parfois dissociée, qu'elle entretient avec la culture de classe, l'international, le drapeau rouge, et la culture républicaine, la Marseillaise, le drapeau tricolore. Et je crois que ce qu'on appelle la culture de Front Populaire, c'est cette symbiose qui s'opère par et dans la rue, par et dans le mouvement populaire, articulé à la perspective électorale. Il ne s'agit pas du tout de dissocier les deux aspects. Et je crois qu'à partir de cette date, et encore une fois jusqu'à aujourd'hui, sans plaisanterie, nous aurons toujours dans notre histoire, et dès lors qu'il s'agira de la gauche, ce phénomène de tension entre ces deux cultures, avec évidemment des vecteurs qui n'auront pas toujours la même capacité à l'imposer, à aller du même pas ou à l'imposer l'un sur l'autre. Enfin, en tout cas, c'est une modification fondamentale du paysage politique. Alors, qu'est-ce qui m'amène à dire ça ? Ben, c'est que ces organisations réunies le 14 juillet 35, elles vont le lendemain se retrouver pour élaborer un programme. Et donc, on voit bien que l'alliance qui se dessine en vue des élections, puisqu'il s'agit bien d'une alliance en vue des élections, elle est totalement différente de celle dont nous parlions tout à l'heure. Un, de par sa composition, la place qui a été une place, il y a eu un rôle initiateur du Parti communiste dans ce rapprochement progressif avec les socialistes puis avec les radicaux. Elle est inédite parce qu'elle est précédée par cette mobilisation collective avec des attentes fortes qu'on vient d'entendre. Et elle est inédite parce que cette alliance, qui n'est plus le cartel d'une minute, elle va s'organiser autour d'un programme que globalement, à quelques exceptions près, Léon Blum mettra en place en 24 jours, pour reprendre les formules, du Front populaire. Donc c'est toute une culture politique nouvelle qui s'est redéfinie et qui a contribué à faire de cette élection une élection tout à fait nouvelle dans ses modalités. Oui, phénomène majeur de ces années 1934, 1935 et jusqu'en 1936, Daniel Tartakovsky, le Front populaire n'est pas juste une union électorale. Nous voyons bien cette importance de la culture ou alors des cultures qui s'unissent avec la question qui demeure tout simplement. Mais c'est bien dans l'air du temps de ces années-là. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux. Et des sourires dans chaque fossette, la joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce macreux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. C'est le mille-pattes, mais ses chaussettes. Les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend? Les parapluies restent chez eux. Les cannes s'en vont aux calmes-musettes. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et ses collégiens, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil. Ah, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, c'est une chanson de 1938, nous sommes après le Front Populaire à la fin. Mais l'ambiance est là, Daniel Tartakovsky, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Et justement, dans cette réflexion sur le Front Populaire, il y a la question de la culture qui est essentiel pour saisir d'ailleurs cette ère du temps. C'est très difficile d'ailleurs pour l'historien, l'historienne de saisir l'ère du temps. Et puis après, il y a le programme. Mais comment font-ils pour se mettre d'accord, ces communistes, ces socialistes et ces radicaux qui ont été en opposition depuis si longtemps? Ben là, évidemment, nous venons de sauter... Je parle de la mise en place du programme avant les élections. D'abord, le sentiment d'une urgence. Le sentiment d'une urgence, lutter contre le fascisme extérieur et intérieur. Et puis, lutter contre l'urgence de la crise qui frappe. Ce qui est intéressant, c'est que la crise a commencé à frapper la France en 31. De 31 à 34, on n'a pas de mobilisation anti-crise en France, ou très peu. À partir du 12 juillet du 12 février 34, c'est-à-dire de cette première grande mobilisation, je dirais que, je ne vais pas dire qu'on a des gens dans la rue tous les jours, mais la mobilisation collective sous les formes de la manifestation plus que de la grève, sous les formes de la manifestation, n'en finit plus, à la fois dès lors que le fascisme menace, quand un orateur de la droite extra-parlementaire veut se réunir quelque part. Les socialistes et les communistes se retrouvent dans la rue, ils ne sont peut-être pas ensemble au départ, mais dès lors qu'on combat contre un ennemi commun, ça crée des liens sur le terrain. Ils se retrouvent ensemble, je parlais du cartel des fonctionnaires tout à l'heure, sur les problèmes de la déflation. Donc il y a des luttes communes qui les amènent à créer des liens. Alors les liens ne sont pas immédiats, hein, on sait que la CGT, les deux CGT, CGTU, CGT, ne se réunifieront que tardivement. Au regard de l'union politique, elles ne se réunifient qu'en au début 36, hein, donc après la manifestation du 14 juillet 35. Néanmoins, il y a des rapprochements sur le terrain à partir de combats et à partir d'espoir. Le programme, c'est le programme pour le pain, la paix, la liberté. Difficile de ne pas être d'accord sur ces trois éléments. Et ce programme reprend pour l'essentiel le programme de la CGT élaboré en 1934. Donc cette union, je ne dirais pas, c'est pas une union minimum, c'est une union qui s'opère et des revendications qui se cristallisent dans un programme sur la base de revendications qui sont des revendications communes dans un contexte marqué par une double menace. Ces revendications, d'ailleurs, on pourrait les retrouver ici et là, sur les tracts, les publications électorales ou alors dans la bande-annonce du film « La vie est à nous » de Jean Renoir. Nous ne craignons pas les tortures. La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles. Du travail et du pain, du travail et du pain, du travail et du pain. Ce n'est pas une innovation. Nous voulons conduire à l'union du peuple de France, à la réconciliation de la nation française contre les 200 familles et leurs agents fascistes. Dites donc, après le travail, vous passerez à mon bureau, hein ? Il faut que le personnel puisse comprendre et s'adapter. Qu'est-ce qu'il te voulait ? Il me veut que je suis trop vieux. Le monde capitaliste tient encore debout. Dans ces conditions, les paysans devront-ils se résigner et attendre ? Nous ne le pensons pas. Le Parti communiste vous appelle à prendre l'avenir en main. Camarades, la vie est à nous. Daniel Tartakovsky, encore l'international, enfin cet international des années 1937 de la lutte antifasciste. C'est un extrait, en tout cas, de la bande-annonce avec des éléments du film La vie est à nous de Jean Renoir en 1936. Le Front populaire, La vie est à nous, c'est le titre de votre ouvrage, Daniel Tartakovsky. Vous le connaissez bien, ce film. Alors, c'est un film extrêmement intéressant parce que c'est un film qui est commandé par le Parti communiste à Jean Renoir, qui n'est certes pas le Jean Renoir que nous connaissons, mais qui est déjà un cinéaste ayant pignon sur rue, en vue de la campagne électorale de 1936. C'est une première dans l'histoire politique et dans l'histoire de la culture. Nous évoquions tout à l'heure les phénomènes culturels. Le rapport à la culture et aux intellectuels est extrêmement fort dans les années qui précèdent le Front populaire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces intellectuels, cinéastes, peintres, écrivains, sont menacés par le fascisme. La France reçoit tous les exilés d'Allemagne. Ils apprennent par ces exilés d'Allemagne ce qu'est le fascisme. Il y a donc des phénomènes de rapprochement extrêmement forts qui se sont opérés dans le cadre de l'AEA, l'Association des artistes écrivains révolutionnaires, et qui contribueront à l'émergence de cette culture nouvelle de Front populaire. Donc déjà l'objet, La vie est à nous, est très révélateur de la période. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce film, qui est construit sur trois histoires, donc c'est en vue de la campagne électorale, en dehors de quelques plans au début du film où on voit les panneaux électoraux, mais c'est des gosses qui sortent de l'école et qui passent devant les panneaux électoraux, donc on est avec la couleur d'affiche, mais on s'attarde pas. Le film ne parlera jamais d'élection et le film n'appelle pas à voter communiste. On assiste à trois luttes. Alors une lutte de paysans qui risque d'être expulsés, mais qui grâce à la mobilisation de la cellule communiste vont l'emporter. On en entend des extraits, une grève ouvrière, c'est extrêmement intéressant parce qu'il n'y a pratiquement pas de grève avant 36. Les grèves, c'est après les élections de 36. C'est évidemment une grève dans une usine, donc dans le secteur privé s'il en est, mais ça sera la douce. L'économie est privée dans la France de 36, à quelques, si on accepte la fonction publique. Et le vieux, c'est que je suis trop vieux, il va être mis à la porte parce qu'il ne suit plus les cadences. L'homme à abattre dans les entreprises dans les années 20, c'est pas le patron, c'est le contremaître. Hein. C'est le chrono. C'est le chrono qui aboutit à une mutation du travail, à une surexploitation par le... Et je trouve ça très intéressant que ce film mette l'accent sur des luttes, quelquefois en les anticipant, parce que finalement, cette grève, on pourrait très bien la prendre pour illustrer les grèves de 36, alors qu'elle est tournée avant les élections, et par là même, avant les grèves de 36. Je crois que c'est vraiment un film qui montre ce bouillonnement de la culture par l'objet, par ce qui montre, par ces cœurs parlés qu'on entend, qui étaient très répandus dans la France de 34-35. Et donc, les ingrédients sont là, ils vont s'épanouir avec la victoire, mais ils sont là. Vous avez raison, Daniel Tartakovsky, de souligner ce paradoxe du front populaire que nous associons aux grèves. Mais la grève arrive après l'élection, paradoxe sans nom, parce que on va dire que le monde ouvrier gagne et fait grève ensuite. Mais pour gagner, il faut faire campagne. Pour gagner, bien, il faut exposer un programme. Écoutez cette archive, c'est toujours émouvant et sublime, elle date de mai 1936, c'est Léon Blum. Nous parviendrons à vous convaincre non seulement que le Parti Socialiste avait raison, mais que le socialisme a raison. Le régime capitaliste est incapable d'accorder entre elles et par conséquent de remplir les fonctions nécessaires de toute société humaine. Il est incapable de répartir entre les consommateurs la quantité toujours croissante de richesses que les progrès continus de la technique permettent de créer. Il est incapable de distribuer entre les travailleurs la quantité toujours décroissante de main-d'œuvre humaine que la production exige. Du progrès humain, qui devrait être une cause de bien-être et de joie, il fait une cause d'iniquité et de souffrance. Entre ses mains, la science, honneur de notre race, n'engendre plus que le gaspillage, l'avilissement, la destruction et la misère. Un discours de Léon Blum, le 1er mai 1936, donc dans le cadre de la campagne électorale. Daniel Tartakovsky, vous nous avez expliqué que dans les années 20 et au début des années 1930, les socialistes et les radicaux arrivent à s'unir, ce qu'on appelle le cartel, et les communistes, eux, font bande à part, au sens où ils ont une conscience de classe et qu'ils ne s'unissent pas. J'ai pas dit ça comme ça. Vous ne l'avez pas dit ça comme ça, je synthétise votre propos, vous avez raison de me corriger. Ce que je veux dire, c'est que en 1936, il y a une union avec les communistes et les radicaux là-dedans. Alors, socialistes, communistes arrivent à s'unir. Léon Blum dit bien, on va renverser le capitalisme. Mais les radicaux, ils acceptent cela? Alors, il ne dit pas, on va renverser le capitalisme. Il se livre à une critique sans concession du capitalisme. Ce qui ne signifie pas que le rapport des forces, et ça, les communistes comme les socialistes en sont conscients, permettent, hic et nunc, de le renverser et d'établir une société socialiste. Léon Blum le dit quelques jours plus tard devant le congrès de son parti. Le rapport des forces nous a donné la majorité, mais nous ne sommes pas à la tête d'un gouvernement qui permettrait un passage au socialisme par lequel les communistes et les socialistes entendraient sans doute des choses un peu différentes. Mais les uns et les autres sont bien persuadés qu'il s'agit, on a empêché le fascisme de passer, on se donne le moyen d'apporter à la crise économique des réponses nouvelles qui vont permettre, espère-t-on, de sortir de la crise, enfin en tout cas, et en tout cas qui vont être à la base de la mise en place d'une politique keynésienne qui produit des effets dans l'économie et qui là aussi est un facteur de retournement important, mais ils ne considèrent pas, ni les communistes, ni les socialistes, c'est-à-dire pour ça que les communistes ne rentrent pas au gouvernement, tout le monde est d'accord sur le fait que ça reste un gouvernement bourgeois, pour reprendre le vocabulaire des années 20, c'est-à-dire qu'il reste inscrit dans un cadre capitaliste, mais que l'on va penser, gérer autrement. Alors, transition possible, les communistes ne pensent pas encore à la notion de transition. C'est, à la fin des années 30, ils mettront en avant la notion de transition. Mais là, les uns et les autres, alors un et autre, Parti communiste socialiste, je reviens aux radicaux, sont parfaitement conscients des limites de l'expérience. Tout n'est pas possible, contrairement à ce que dit Marceau Pivert, encore que le discours de Marceau Pivert, quand on le lit en entier, n'appelle pas non plus au socialisme ici et maintenant. Les radicaux, ils sont dans la démarche traditionnelle. Ils sont dans la démarche traditionnelle et après les grèves de 36, après juin, vient juillet, les élus radicaux retournent dans leur circonscription en province. Et là, ils entendent que leur base traditionnelle de classe moyenne, de petits paysans, petits commerçants, c'est le monde des petits, hein, des petits propriétaires qui n'exploitent personne ou presque personne pour aller vite, sont à tout le moins circonspects par les grèves et par les mesures. Et donc, c'est le début de tensions au sein du Parti radical. Et ces tensions vont évidemment aller s'accroissant au fur et à mesure que deux contradictions majeures se développent. D'une part, sur le plan international, le début de la guerre d'Espagne et les contradictions qu'elle fait naître au sein des formations de Front populaire, des communistes et des socialistes qui font au mieux, mais... Et puis, tension sur le plan financier, puisque très rapidement, la France, où le pouvoir d'achat a augmenté, et où la production ne suit pas, et où on importe, et où il y a des... Bon, bref, et où il y a une fuite des capitaux, par ailleurs, fait que les radicaux se séparent. Alors, comme ça s'est déjà passé en 1924, deux ans plus tard, 24-26, comme ça s'est déjà passé en 32-34, ça se passera de nouveau en 37, un peu plus tôt, et a fortiori en 38. L'aile gauche, enfin, ce qu'on appelle la gauche radicale, qui est la droite, qui est en fait la droite du Parti radical, mais elle s'appelle la gauche radicale. Bref, les éléments centristes basculent en cours de mandature et font éclater un Front populaire qui, en tout état de cause, à partir de juillet-août, est soumis à des pressions et à des difficultés grandissantes. Oui, cette période du Front populaire, 36, c'est le grand tournant évoqué par Henri Turenne. Ceux qui n'ont pas vécu avant 1936 ne pourront jamais comprendre ce que fut ce premier départ en vacances. Un vieil ouvrier écrivait à Léon Blum : merci, grâce à vous, j'ai vu la mer avant de mourir. Une petite fille lui envoyait une carte postale de Bretagne. Merci, grâce à vous, je connais mes grands-parents. À Matignon, Racamon avait dit au patron : vous comprenez, c'est comme s'ils avaient été au tombeau jusqu'à aujourd'hui. Ils ont soulevé la pierre tombale et ils voient la lumière. Grand tournant, Henri de Turenne, donc un documentaire qui nous conduit dans les années 1970, Daniel Tartakovsky. Le Front populaire, la vie est à nous. Mais vous avez également écrit ce regard particulier sur la rue, le pouvoir est dans la rue, publié chez Flammarion, et puis plus récemment, On est là, la manif en crise, aux éditions du Détour. C'est un aspect qui nous intéresse particulièrement pour essayer de comprendre ce cheminement vers le pouvoir de la gauche. C'est, en 1936, c'est la participation des gens dans la rue. Ça, c'est très important aussi. C'est essentiel dans la mesure où c'est un des facteurs, je ne dirais pas le facteur majeur, mais un des facteurs majeurs qui a permis... cette union, mais encore une fois, cette union à partir de pratiques collectives de toute nature qui permettaient d'apporter des issues à une situation qui paraissait de plus en plus dramatique. Ce que je voudrais signaler, c'est que vous avez parlé hier de 1980. On voit bien comment la gauche, dans les acceptions différentes qu'elle a pu avoir au cours du temps, est arrivé au pouvoir dans des situations qui étaient des situations de crise majeure, hein, et de difficultés économiques majeures. C'est un élément, je crois, qu'il faut bien avoir en tête, à la fois pour comprendre, pour comprendre les difficultés auxquelles elle a dû faire face, mais auxquelles elle a, en 1936, apporté des solutions. Et ce qui me paraît important, il y a une dimension, il est très beau le texte qu'on vient d'entendre, il a une dimension nostalgique. Je ne sais pas s'il faut se... Le Front populaire n'est pas seulement un bel objet qu'on mettrait sur une armoire et devant lequel on verserait une larme nostalgique de temps en temps. Le Front populaire, parce qu'il était inscrit dans une mutation des pratiques collectives, culture politique, culture tout court et vie quotidienne, il a transformé ce pays dans la longue durée. Alors peut-être pas... C'est ça qui est en crise aujourd'hui. C'est pas, il n'y a pas que la manif qui est en crise. Il y a l'état social que le Front populaire a commencé à faire héberger. Mais et puis il y a le monde plus généralement qui a changé de base aussi, mais peut-être pas dans le sens où les auteurs de l'International l'entendaient. Mais je crois qu'il faut bien être conscient de ce que ça modifiait très profondément le rapport des individus à la politique. Bon, le Front populaire n'a pas donné le droit de vote aux femmes. Il y a deux angles morts dans la politique du Front populaire. C'est la politique coloniale et c'est le vote des femmes. Mais c'est clair qu'à partir de 1936, enfin je dirais à partir de 1934, et 36 ça fait partie, faire de la politique, ça n'est plus seulement mettre un bulletin de vote dans l'urne. C'est agir par quantité de moyens, y compris par les voies culturelles, d'ailleurs, qu'on a entendues ou que le film évoque. Et donc, ça veut dire que ce rapport à la politique, il peut devenir le fait des hommes, bien sûr, mais également, j'allais dire des jeunes, mais rappelons-nous qu'on travaille à 13 ans, donc la notion de jeune des femmes, très présente, des exilés immigrés dans la France des années 30, on ne comprendrait pas le poids qu'ont joué les femmes et qu'ont joué les travailleurs immigrés à la Moye, dans la résistance, s'il n'y avait pas eu ce rapport existentiel redéfini à la politique et au monde. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. On sait que le Front populaire s'est accompagné d'une révolution de la photographie, hein, avec ces grands cinéastes que sont de tout ce qui deviendra Magnum, hein, Capa, etc. Ces photographies où on voit l'homme qui porte sur ses enfants l'enfant, où on voit le jeune couple sur son vélo qui part. C'est l'individu, hein, c'est l'individu, souriant, heureux. Et là, on est bien dans la tonalité qu'on a entendue. Et en même temps, quand on voit ces photos avec un individu, pour dire le nombre, c'est là qu'il y a eu la révolution de la photographie, on sait avec évidence, on n'a pas besoin de légende, on sait avec évidence que cet individu, heureux, il est heureux parce qu'il participe du collectif, que c'est dans sa participation au collectif qu'il a acquis cette liberté. Et je crois donc que c'était la capacité d'expression de l'individu et de ses besoins et de ses aspirations sans individualisme. Ça me paraît très caractéristique de ce qu'a été le Front populaire. Merci vivement Daniel Tartakovsky de cette analyse qui nous a conduit quand même du cartel des gauches au Front populaire, souvent étudié par les alliances politiques, c'est essentiel, mais surtout avec votre regard qui met l'humain en fait au centre de cette question et qui fait du Front populaire aussi une culture. Peut-être le mot à retenir aussi, c'est une culture plus qu'une association politique. Vous l'acceptez ça ? C'est une culture politique, absolument. C'est une culture politique. Merci vivement à vous. Et donc, je rappelle, votre Front populaire se trouve chez Gallimard. On est là, la manif en crise, ça c'est peu de le dire, qui vient de paraître aux éditions du Détour. Et le pouvoir est dans la rue, toujours chez Flammarion. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, un autre mai 1945 en Algérie. Alors que l'on célébrait ce week-end la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un anniversaire qui s'est timidement fait une place entre le bicentenaire de la mort de Napoléon et le 40e anniversaire de la première accession au pouvoir de la gauche sous la 5e République, l'Algérie célébrait pour la première fois la Journée nationale de la mémoire. un autre 8 mai 1945, alors que la France et son empire s'apprêtaient à fêter la victoire en charriant tout son lot d'images iconiques et univoques, comme celle de jeunes françaises euphoriques, aux côtés, voire franchement dans les bras de GIs américains, frais comme des gardons, après avoir libéré l'Europe du joug nazi. C'est un épisode de répression coloniale sanglante que l'on a commémoré ce 8 mai en Algérie, celui des massacres de Sétif. Ce jour-là, en 1945, des cortèges sillonnent aussi les rues algériennes pour saluer la signature de l'armistice. Mais sur les banderoles et dans les slogans, le soulagement de la fin de la guerre côtoie les drapeaux algériens et l'appel à la fin du colonialisme. À Sétif, la manifestation est sévèrement réprimée. Une répression qui se prolonge dans les jours qui suivent, avec des victimes algériennes par milliers et une centaine de victimes européennes. On sait aujourd'hui que dès le 1er mai, d'autres manifestations avaient tourné à l'affrontement, notamment à Oran, avec son cortège de morts et de blessés. La police et la gendarmerie ratissent, arrêtent et se livrent à des exécutions sommaires, des pratiques hors du droit, même coloniales, qui obscurcissent les possibilités de connaître encore aujourd'hui le nombre de victimes de ces journées où la violence a rivalisé avec la joie de la paix retrouvée, 9 ans avant le début de la guerre d'Algérie. Pourtant, les commentateurs font le choix de ne pas nommer le caractère éminemment politique de ces événements et de leur répression. La France a été déchirée par une douleur profonde. En apprenant que le jour même où le peuple s'abandonnait librement à la joie de la victoire, les criminels, abusant de la crédulité et de la misère du menu peuple arabo-berbère, avaient déclenché une sorte de jacquerie. Le sang français a coulé. À la radio et dans la presse, on évoque donc des émeutes de la faim exploitées par des criminels étrangers. Un discours de disqualification de la charge politique des massacres de Sétif qui sont inscrits sur l'ardoise d'une crise agricole ou encore d'une propagande subversive et pourquoi pas soviétique. La guerre froide s'avance d'un pas, mais à Sétif, ce 8 mai 45, c'est déjà la fin de l'efficacité des promesses faites pendant la guerre qui s'exprime. La nouvelle donne politique promise par le général de Gaulle, la perspective d'une amélioration du statut des Algériens, n'ont plus la force de stabilisation qu'elles avaient jusque-là pour mobiliser les troupes et les populations dans l'effort de guerre qui s'achève. La charte de l'Atlantique, destinée à lutter contre le fascisme et le nazisme, circule depuis sa signature par Roosevelt et Churchill en 1941. Il y est question du droit des peuples à choisir librement leur gouvernement et à exercer leur souveraineté, une idée qui n'a pas fini de circuler dans les années d'après-guerre et dans toutes les colonies. Merci Anaïs, à demain pour un autre journal de l'histoire, le journal de l'histoire que l'on retrouve sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas et Mayouen Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Demain, nous continuons notre histoire de la gauche en quête du pouvoir. Après cette décennie incroyable 1970 en rose et rouge vers l'Élysée, après ainsi front populaire les petits partis de gauche, demain, nous allons parler de la révolution, oui, quand la révolution inventa la gauche.